Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'est la portion mishmash des palmarès Cifou pour la semaine du 6 au 12 novembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante, Talia Baudin à congé pendant cette portion mishmash. C'est la tradition, que voulez-vous, c'est comme ça, un cours en ce moment. On va la retrouver pour la portion top 10. Je suis là donc pour vous accompagner avec votre tiri, hein, ou votre soupe poulet nouilles. Ou, je sais pas, vos Tylenols, vous avez mal à la tête, je sais pas, tout ce que vous voulez manger ce midi, je suis là pour vous accompagner pendant une heure. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, entre autres nos chroniques, donc on va voir Palmer Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées depuis la semaine dernière. On a C'était fou, on va retourner en 2004 du côté francophone cette semaine. On va peut-être aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, mais l'important c'est de commencer l'émission avec les palmarès de cette semaine. Et là où on était rendu la dernière fois, c'était à la position numéro 13 anglophone. Et à la 14e francophone. Donc plus tard dans le premier bloc de l'émission, on aura Pierre Quenders et Pop-Pierre, mais on débute en 14e position francophone. Voici WD-40 et la pièce très intense, la mère des tourments, tout de suite au palmarès. C'est fou. 89 FM. Oh! Ouais. Ah! La météo vient de changer. Mais juste en studio. Thank you. Bye. c'était Bittersweet Mornings par Pierre Quenders. Pour ce numéro 13, ça monte, ça descend, oui, de 4 places sur l'album Macanda. Avant, pour Pierre, avec Cours Toujours, monte de la 20e. L'ouverture de la semaine passée, plus 7 de ce côté-là. Et au début du bloc, WD40 avec la mère des tourments qui monte de 2 places sur l'album La Nuit après le déluge. On n'a pas entendu Metz avec Cellophane parce qu'on l'a entendu dans la précédente heure. Avant de passer aux positions numéro 12, Bleu Nuit et J.D. McPherson, c'est Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté depuis les précédents palmarès. Octobre au 5 novembre 2017, on a débuté avec Mon Doux Seigneur qui s'est fait crucifier avec la pièce Ici-Bas après cette semaine. Maud Audet a pris la sortie pour Galloway Road qui a duré cette semaine. Always! Je sais pas, c'est peut-être que... c'est quoi que t'as en dessous du pied quand tu fais du sport, là? Tu sais, le truc d'athlète, là? Bref, In Under Toe. Je sais que ça n'a pas rapport avec les orteils, mais quand même, In Under Toe. Ça dure 7 semaines. Et puis, Woolworm est retourné dans la terre avec Deserve to Die qui a duré 7 semaines. J'essaie de faire un jeu de mots avec Toe et orteils. Ça n'a pas marché. Donc voilà pour Palmer Rest in Peace. Tout à l'heure, on fera C'était fou. On va retourner en 2004. Ça, c'est plus tard. Avant ça, par contre, tiens, je viens de me rappeler. Colin, ce serait le fun d'aller écouter une de ces pièces-là qu'on a, auxquelles on a dit au revoir depuis les dernières semaines. 7 semaines pour chacune d'entre elles. Mais ma préférée là-dedans, c'est celle de Always. Donc, tiens, on l'écoute. Colin, In Under Toe. J'avais prévu ça, moi, puis j'avais déjà oublié. T'sais. Ça va très bien, ma mémoire. Très bien. De tout, Palmarès, c'est fou. Ouais. Yeah. Rise avec In Undertow dans le segment Palmer Rest in Peace. Et j'ai fait mes petites recherches, hein. On dirait que ça m'avait pas intrigué avant. On a joué cette pièce-là pendant 7 semaines et je me suis jamais renseigné. Undertow, c'est simplement un courant sous-marin. Donc j'aurais pu faire un jeu de mots avec ça, noyé tantôt. UNDRTOW. J'avais jamais entendu ce mot-là. Donc voilà pour la section Palmer Rest in Peace. On revient à nos palmarès dans ce moment, c'est-à-dire du 6 au 12 novembre 2017. En 12e place anglophone, on trouve JD McPherson avec Crying's Just a Thing That You Do, une pièce à laquelle on s'est vraiment habitué, on commence à l'apprécier pas mal. Elle monte de 7 places, c'était nouveau la semaine passée. Avant ça, par contre, voici Bleu Nuit avec une tempête qui monte elle aussi de la 19e place et qui elle aussi était nouvelle la semaine passée. Donc la voici dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Should we climb the roof and watch it? McPherson, Crying's Just a Thing That You Do, pour ce numéro 12 en anglophone et en franco, Bleu Nuit avec une tempête, les deux qui montent la 19e place, nouvelle entrée de la semaine dernière. Maintenant, on passe au 11e, les dernières pièces régulières pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, en anglophone, ce sera The Deep Dark Woods avec Fallen Leaves qui monte de 7, nouveau la semaine passée, mais tout de suite, une troisième semaine de présence pour Zen Bamboo qui monte de 4 places. Voici Poupée Voodoo. Au pas, c'est fou! The morning light was fading. There Les 11e places, pardon, de Deep Dark Woods avec Fallen Leaves et Zen Bamboo avec Poupée Voodoo. Bon petit bloc, ça. Pas mal relax, Deep Dark Woods. Voilà, c'est tout pour la portion régulière de cette heure-ci. Donc, on est rendu aux 11e places. La prochaine fois, on sera au 10e. Maintenant, c'est le moment de retourner en arrière. Voici C'était fou. C'était fou, on retourne dans l'histoire de C'est fou, un petit peu dans le passé. Là, c'est le 20e anniversaire en ce moment, cette année, en 2017, de la fondation de C'est fou. Et chaque semaine, à chaque fois qu'on fait cette chronique-là, ben on recule dans une année différente. Et cette fois-ci, on est rendu en 2004. C'est le côté francophone qu'on va se faire. Donc plus tard, on va entendre les positions 3, 2 et 1, donc dans l'ordre. Hein? En troisième, Prototype avec Danse sur la merde sur l'album Tout le monde cherche quelque chose à faire. Ensuite, en deuxième, il y aura Auf der Mauer avec Taste You, Te goûter, en parenthèse, sur l'album Auf der Mauer. Et on terminera avec le numéro 1, un classique des classiques, Ludger avec Mosh Pit sur l'album Ouvert au bout. Et ça commence avec Prototype tout de suite dans C'était fou. Yeah. sur la même qui passe à la radio. Tout le monde cherche quelque chose à faire. Alors danse sur la même qui passe à la radio. Mon amour, je t'entends pas, mon amour, dis-moi où t'es allé. Mon amour, je te sens pas, mon amour, dis-moi ce que j'ai fait. Branche-toi. Me met à l'envers. Tu t'effaces, mon amour. Wellington. C'était fou pour cette semaine. On retournait en année, à l'année 2004. À l'année 2004, voyons, en francophone, on a entendu. Donc, en troisième place au début du bloc, Prototype avec Danse sur la merde. Sur l'album Tout le monde cherche quelque chose à faire. Ensuite, Off der Mauer et Taste You Te Goûter sur l'album qui porte son nom. Et en première place, ce qui vient tout juste de jouer, c'était Mosh Pit de Ludger sur l'album Ouvert au bout. Année 2004 francophone. La semaine prochaine, la prochaine fois, ce sera l'édition anglophone de cette même année. Maintenant qu'il nous reste encore une quinzaine de minutes à l'émission, allons-y avec un autre segment qui n'a pas rapport avec les palmarès dans ce moment. Mais en fait, oui, là, mais c'est comme un petit peu ailleurs, comme dans ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès! Oh, oui, les palmarès! Maria Cifou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi le top 30 des albums, le top 3 des Canadiens ainsi que le top 10 Loud. Commençons par le top 30 des albums qui a une seule nouvelle entrée cette semaine. C'est The Rural Alberta Advantage avec l'album The Wild en 29e place. Dans le top 3, donc, en 3e place, The Pack 80 avec Dollhouse qui descend d'une place. En 2e, l'ancien numéro 1 Partner, l'album In Search of Lost Time. Et je vous garde le numéro 1 secret pour ne pas révéler le punch. Dans le top 3 des disques canadiens, en 3e place, c'est The Pack 80 avec Dollhouse. En 2e, Partner avec In Search of Last Time. Donc, c'est la même chose. Le numéro 1 aussi est pareil. Dans le top 10 Loud, une seule nouvelle entrée. En 10e place, c'est l'album The City That Never Sleeps par Biblical. En 3e place, Cannibal Corpse avec Red Before Black et qui monte de 2 places. En 2e, c'est Stable, Awaken de Flesh Killer. Et en première place, l'album I, donc la lettre E, par Enslaved. Je vous ai choisi 2 pièces pour l'instant. On va entendre donc tout à l'heure, une pièce de l'album Habitat par Beliefs, qui est en 27e place. Du top 30 des albums, on l'a pas encore entendu nulle part. Assez fou. Mais on commence avec la 29e place. Nouvelle entrée que j'ai dit tantôt. Ah, je mâche mes mots. C'est donc sur l'album The Wild par The Rural Alberta Advantage. Voici l'extrait qui ouvre cet album. C'est Beacon Hill, tout de suite, ailleurs dans les palais. La pièce 1994 de Beliefs dans le bloc ailleurs dans les palmarès. Où j'avais quasiment oublié le nom du bloc. Alors avant ça, c'était Beacon Hill par The Rural Alberta Advantage sur l'album The Wild. Donc les 27e et 29e places de notre top 30 des albums. Voilà, c'est là-dessus qu'on termine cette heure des palmarès. Il faut on se retrouve la prochaine fois pour le top 10. On va entendre plein de bonnes choses, dont Chéri Chéri, La Bronze, Octoplot, Ben Sinister, Laurent Sauvage, Google Bordello et Enter Shikari. C'est dans la prochaine édition des palmarès. Il faut être en semaine de midi à 13h du lundi au jeudi. Édition week-end les samedis à partir de midi. À la prochaine. Bye bye.